Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo. En ouverture, bien entendu, Duo avec cet album Evil or Divine, paru au début des années 2000, tout simplement 2002, il me semble, sur la tournée de l'album Killing the Dragon. On retrouvait à la guitare le guitariste de Dead Daisies, Doug Aldrich, et c'était bien sûr une très bonne rendition du morceau Egypt. On va continuer dans de la musique estivale avec Kissing Dynamite, qui nous sort son dernier album Back with a Bang, paru sur Napalm Records. Pour tous les amateurs de Big Rock qui passe toujours très bien, ce sera le morceau The Devil is a Woman, tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Restez bien derrière votre tuner avec votre rocking chair, on devrait avoir de l'excellente bonne musique, dont une interview de Black Rain enregistrée lors du festival Plein Air en début d'été. We'll be right back. Just a single touch is a touch too much. With that angel smile, my heaven goes down, yeah. While I fall for the charms, I'm dying in her arms. And her look turns cold, oh, she knocks me out, yeah. A moment of paradise and a flame. She cries out my name. Nothing like a lord of the underworld. Luring me so pretty, put me in the dirt. Under the devil as a woman, whoa. Tell her little lies with her icy spell. Promising me heaven, but they're going to hell. Under the devil is a woman. The devil is a woman. Licking her fingertips, but there's blood on her lips. Covers my eyes with a veil, I'm losing my mind, yeah. In a satin little dress, and her hands on my chest. Feel a blaze in his eyes, she knows love is blind, yeah. A moment of paradise and a flame, she cries out my name. Yes, vous venez d'entendre Kissing Dynamite tout de suite sur Overdrive Radio Duo avec The Devil Is A Woman. Et on va passer au plus allemand des groupes suédois avec Hammerfall qui nous revient avec son dernier album Avenged The Fallen. Ils reviennent au Berkay dans le giron de Nuclear Blast pour sortir ici leur dernier album. Le groupe n'a pas vraiment changer son fusil d'épaule ici et nous sort une musique toujours inspirée du heavy metal des années 80 avec un gros son peut-être un peu plus moderne. Ce sera The End Justifies par le groupe Hammerfall tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Yes, on va rester dans le heavy metal de tradition avec Halloween et non pas un nouvel album, mais une petite vieillerie. C'était sorti au milieu des années 90, c'est un peu le retour gagnant pour Halloween avec ce Master of the Ring. Un petit retour certes, puisque ensuite ils ont fait bien mieux par la suite avec Andy Harris. Mais là, on avait après quelques albums qui avaient été un peu oubliés, comme Carmelone par exemple, ils avaient recruté Andy Harris et le guitariste Roland Grappo et était revenu un petit peu aux affaires avec cet album-là. Where the Rain Grows, tout de suite par Halloween. Et c'est dans Overdrive, Radio Duo. Yes, vous venez d'entendre Halloween et on passe maintenant à un autre groupe allemand à succès. Il s'agit de Blind Guardian. Blind Guardian et son album Somewhere Far Beyond qui a été ressorti dans une version revisited sur laquelle on retrouve des morceaux live. Ce sera l'occasion ici d'envoyer la petite booster Time, What is Time. A noter que sur cet album-là, on retrouve la balade culte The Bard Song in the Forest. Mais ce ne sera pas ça qu'on passe ce soir. Time, What is Time? Yeah. Voilà, pour Blind Guardian, Time What Is Time, extrait de cet album Somewhere Far Beyond Revisited. On va passer tout de suite à une interview réalisée sur le festival Plein Air, donc début du mois de juillet, sur lequel Overdrive a réalisé plusieurs interviews, donc elles seront diffusées dans les prochaines émissions. On avait déjà diffusé juste avant la coupure estivale, celle de Tribute to Trash, dans laquelle on retrouvait les musiciens, des vétérans de la scène donc metal extrême, avec les gars d'Aggressor, Loud Blast et Thrashback, qui reprennent des classiques du thrash. Et ce soir, ce sera au tour de Black Rain de nous présenter leur nouvel album de réenregistrement. Donc, cette petite interview a été enregistrée du côté du Plein Air Fest. Et je vais vous laisser avec le batteur et le bassiste de la formation de glam metal. Salut les Black Rain, vous venez tout juste de sortir de scène du Plein Air Fest. Comment ça s'est passé pour vous ? Bah écoute, pour une scène à 19h, les gens étaient là, ils étaient présents, ils étaient devant, ils tapaient dans les mains, on est super contents quoi. Vous avez même fait des circle pits quoi. Ouais, c'est bon. Je sais pas si quelqu'un a demandé d'en faire ou si c'était super. Non, si j'ai fait un petit signe, mais j'ai pas eu besoin de faire grand chose pour qu'ils s'y mettent, c'était super. Bravo le public. Ouais, en tout cas le son était bon. Ouais, merci. C'est pas de notre faute, c'est notre ingé son. On avait une bonne ambiance et pour moi c'est vraiment un bon début de festival se mettre avec du beau temps et du rock'n'roll, c'est ce qu'on attend ici au Plein Air Fest. Donc en début de semaine, vous venez d'effectuer la première partie de Steel Panther au Transborder de Lyon. Comment c'était ? Alors c'était court, mais génial. Les gens là ont répondu. Pour nous, c'est une opportunité. Ça fait longtemps qu'on n'a pas refait de première partie, donc ça permet de re-ramener du monde, d'augmenter sa fanbase à chaque fois. Alors c'est sûr que tu joues 30 minutes, mais quand les gens viennent te voir au centre de merch et puis te disent bon on aurait préféré que vous jouiez plus longtemps, c'est que c'est gagné quoi, c'est que il faut qu'ils viennent par exemple le 27 à Grenoble à l'Iliade nous voir jouer un concert entier, voilà. Et justement, j'aimerais qu'on revienne sur la volonté de réenregistrer les titres de deux albums, Lethal Dose of et It Begins. Donc pour l'apporter au plus grand monde, puisque c'est des albums qui n'étaient plus disponibles sur les plateformes de streaming, comment est-ce que c'était et est-ce que vous avez d'une certaine façon changé certaines frustrations qui ont pu naître lors de l'enregistrement original de ces albums ? Complètement. Alors il y avait cette idée vraiment de donner à... Parce qu'on nous les réclamait en fait. Il y avait des chansons qu'on nous réclamait, il y avait des gens qui avaient évidemment les CD mais qui écoutent maintenant beaucoup sur les plateformes de streaming et qui disaient comment ça se fait que vous n'êtes pas sur Spotify, etc. C'était des histoires de droits en fait. Il y avait des choses qui appartenaient à notre ancien producteur, donc on a décidé de tout réenregistrer. Parce que tout ça, on pouvait pas faire autrement déjà, parce que les bandes n'étaient pas à nous. Et puis évidemment, les trucs qu'à l'époque, que tu vois, quand t'as joué des chansons pendant 10 ans, que tu les as fait passer, enfin jouer sur scène, tu vois ce qui va pas. Il y a des trucs au bout d'un moment, ça mûrit quoi, tu vois. Donc en fait, c'est une deuxième chance que tu donnes à la chanson. Et aussi bien pour les idées, mais aussi que pour le son, parce que je me souviens qu'à l'époque de Lethal Dose Off, on n'était pas extrêmement satisfait du son, qui n'avait pas assez de basse, assez de grave, un son un peu plus métal. L'histoire de cet album, Lethal Dose Off, c'est presque c'est une tragédie au niveau du son, parce que en fait on l'avait déjà réenregistré avant qu'il sorte, parce qu'on l'avait fait mixer à l'époque par Bo Hill, qui était quand même pas n'importe qui, mais qui je pense le faisait plus lui-même, je crois, parce que ce qu'il nous avait sorti c'était une horreur. Et puis c'est à ce moment-là qu'on avait rencontré notre producteur qui nous avait permis de réenregistrer l'album, mais c'était toujours pas ce qu'on voulait quoi. Et donc là c'est sûr que avec les années qui passent, le fait de travailler avec Hannes de Kissing Dynamite qui avait déjà travaillé sur Untamed avant et qui nous avait sorti un son génial, ça a permis de enfin donner le son qu'on cherchait à avoir. Ouais. Et puis j'imagine un son plus moderne d'une certaine façon. C'est exactement ça. Et Kissing Dynamite, c'est un groupe sur lequel vous êtes quand même un peu sur la même longueur d'onde. Exactement, ouais, totalement. On a le côté hard rock, le côté côté un peu glam, mais ouais, avec une sonorité moderne. Je pense qu'il y a des groupes comme Meat. Maintenant, ils sont super sympas en plus. Ouais. Puis on a commencé tous ensemble, tous ces groupes-là, on a commencé ensemble en fait. C'est vrai. À la même époque. Hein. À la fin des années 2000. Fin des années 2000. Début des années 2000. Non, alors attends. 2010. On se formait dans les 2005. On commençait déjà à petit à petit à voir qu'il y en a qui sortaient des démos, des trucs comme ça. Et puis ouais, on a commencé à vraiment tourner en 2010, ouais, 2009-2010, ouais. C'est ça. Tous ces groupes-là. Et justement, Frankie Constanza, est-ce qu'il a pu apporter sa patte et sa frappe également sur cet album, mais également sur scène? Alors, c'est une grande question qu'on a, c'est un grand débat. parce que là, on a Frankie avec nous ce soir, et justement, ce qui est un peu génial, toi, dans La Crane, c'est que c'est une histoire qui dure depuis super longtemps, donc c'est quand même une histoire de potes. Donc, même si Frank, à un moment, a quitté le groupe pour des raisons personnelles, il est encore là. Mais oui, c'est ça. Parce que c'est pas l'envie qui manque, tu vois, mais finalement, au bout d'un moment, au niveau pro et perso, t'as plus forcément le temps, mais t'as toujours une crispation qui reste. Voilà. Et quand j'ai appris que Frankie, déjà, adore le glam, adore le rock, adore Black Rain, était dispo et joue, et en plus, humainement, c'est un mec qui est génial, quoi. Il donne, ouais, il donne énormément, et je veux dire, quand on s'est rencontrés, c'était, je vais pas dire que c'est le coup de foudre quand même, hein, là, ça serait vraiment exagéré, mais en tout cas, c'est comme si c'était également un pote qu'on connaissait depuis longtemps, comme s'il était déjà dans le groupe. Mais pour pas parler à la place de Frankie, parce qu'il est pas là ce soir, il est avec les Tambours du Bronx, mais il avait un grand respect vis-à-vis de ses chansons, il les adorait, donc il a pas voulu non plus totalement tout dénaturer. Alors c'est sûr qu'il y a des trucs que tu fais toi, que lui fait pas, enfin, mais oui, ça c'est chacun, c'est des détails en fait. Ouais. Globalement, voilà, alors sur scène, il apporte sa bonne humeur, quoi, tu vois, il apporte son énergie, son expérience. Ah, il a une frappe colossale. Il nous a apporté quoi, Frankie, je veux te dire, c'est simple, les Wall of Death, les Circle Pit, c'est à peu près tout ça qu'il nous a apporté. Le côté plus métal, ouais. Nous avons entendu, on le connaît dans Dagoba, ouais. Blazing War Machine, les Tambours du Bronx. Mais pourtant, avec nous, en fait, ce qu'il tient, c'est à faire un truc plus minimaliste, c'est-à-dire vraiment un truc basé sur la force de frappe et pas sur le côté justement plus complexe des parties. Ça, c'est vraiment un truc auquel il tient. Et du coup, son implication dans le groupe, est-ce qu'elle était éphémère justement pour ses réenregistrements ou est-ce qu'elle est sur le long terme? Non, ça continue. C'est un membre permanent. Ouais, c'est un membre permanent. Ouais, ouais. Et on commence à. On travaille en ce moment là à terminer un nouvel album qu'on va essayer de sortir l'année prochaine. L'avantage c'est que Frankie il a son propre studio de batterie, donc on s'envoie comme maintenant on habite tous loin les uns les autres. On lui envoie immédiatement les idées, il enregistre immédiatement ça sur son studio et en fait c'est prêt pour le mixage. Donc ça permet justement d'éviter de passer par la case studio d'enregistrement, ouais, ou alors de faire tout soi-même. Mais en fait c'est vachement bien, ouais, parce qu'en fait maintenant le studio ça va plus, on l'a fait, hein. on a été je crois dans la dernière génération à avoir les moyens de passer longtemps dans un studio, ouais, parce que maintenant ça fait plus, quoi, ouais. De moins en moins, je t'avoue qu'en fait c'est bien mieux de pouvoir travailler tranquillement chacun de son côté, de pouvoir peaufiner, d'avoir le temps et d'être pas poussé par des questions économiques, tu vois, parce qu'une journée de studio ça coûte cher, hein. Le dernier album qu'on a enregistré en studio, c'était aux États-Unis, c'était released et c'était 1 500 € la journée, tu vois. Ouais. Donc paf, donc t'as intérêt à dépêcher, quoi, tu vois. Et tu peux pas tout le temps peaufiner. Et en plus, t'es pas forcément satisfait du son au final. Et à la fin, t'es pas satisfait, donc c'est encore pire. Ça, c'est encore pire. Ouais, parce que la qualité du matériel est importante, mais je pense qu'il y a aussi la qualité, justement, des prises et de l'implication qu'on y met. Totalement. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose qu'on ait fait lorsqu'on est pressé par le temps. Ah ouais. Mais qu'on a envie un peu de peaufiner, de pouvoir plutôt un peu se lâcher. C'est ça. Comment on peut le faire un peu plus chez soi, plutôt que lorsqu'il y a 4-5 personnes qui nous regardent et qui nous disent lâche ton truc. Exactement, c'est exactement ça. Alors, ce dernier album, Hot Rod Time Machine, vous avez choisi de le sortir sur Single Bell, il me semble, plutôt que sur SPV Records, comme les deux albums précédents. Alors, il est distribué par SPV. Oui. Mais ça, c'est des questions tout simplement économiques. Tu vois, c'est SPV, on peut pas dire qu'on est mécontent du travail, il n'y a aucun problème. SPV, c'est génial. On garde la force de distribution d'SPV, mais en fait, Single Bell, c'est un jeune label qui est de notre région, de Haute-Savoie, avec un type qui a décidé d'investir. Ça, il donne des moyens. Donc évidemment, c'est normal que lui-même après s'y retrouve en gardant en fait la licence. Tu vois, c'est des questions de licence. Donc lui, il a la licence. Avant, on était nous-mêmes nos propres producteurs, maintenant c'est lui le producteur. Nous, on a, c'est pour la première fois, au bout du 8e album, un contrat d'artiste, ce qui est quand même incroyable, parce que ça existe même plus grand, beaucoup aujourd'hui. Ouais, maintenant, c'est une licence qu'on signe. Bah ouais, ouais, maintenant, on a un contrat d'artiste. Donc, tu vois, au bout de 20 ans, on a enfin un contrat d'artiste, donc c'est génial. Du coup, et SPV assure la distribution. Assure la distribution, et en fait, voilà, et on garde. En fait, on n'a rien à dire de mal sur SPV, c'est génial, mais leur force de distribution, de toute façon, on la conserve, voilà. Et justement, est-ce que vous allez... C'est faire des choses qu'on ne savait pas faire par rapport aux droits voisins, par exemple. Ah, mais ils nous cèdent, parce que c'est aussi notre éditeur. Ça faisait 10 ans qu'on n'arrivait pas à récupérer des droits SACEM, quoi, tu vois. Tu te rends compte qu'on a joué au Hellfest, on n'a jamais été payé sur nos droits SACEM, des trucs comme ça. Incroyable, parce qu'avant, on essayait de le faire nous-mêmes, on était mauvais. Combien de temps ça reste, d'ailleurs Il y a 3 ans. 3 ans ouais. c'est foutu. Donc voilà, maintenant, on a un éditeur, en plus, qui nous aide. Et justement, vous allez garder cette collaboration pour le futur album sur lequel vous êtes en train de travailler. Ouais. Donc sorti Single Bell, distribution SPV normalement. En l'automne prochain, début 2025. 2025, je pense que ce sera plutôt vers mars-avril. Ouais. Normalement, on va essayer de le faire pour ça, pour pouvoir faire une tournée en mai, essayer de faire peut-être une date intéressante en juin, qu'on n'a pas fait depuis quelques années. Ah, c'est du côté de Clisson. Peut-être. Je crois savoir ce dont tu veux parler. Écoute, au niveau des... Justement, l'orientation un petit peu musicale sur le futur album. Je sais que Black Rain, vous êtes un groupe vous êtes posé quelques questions, vous êtes cherché un petit peu au niveau de votre identité. Il me semble qu'avec deux albums comme Dying Breed et Untamed, vous les aviez plus ou moins trouvés. Ouais. Est-ce que vous allez poursuivre dans cette voie-là ou est-ce que vous allez changer un petit peu? On n'arrive jamais à se rendre compte quand on est dedans. De toute façon, ce sera la même sauce au niveau de l'enregistrement. Donc au niveau du son, ça va faire ça. Au niveau des inspirations, c'est toujours compliqué, tu vois. Là, on a plein de chansons, alors tu te dis... Le problème, c'est qu'en fait, on adore des tonnes de trucs, qu'on écoute des tonnes de trucs, et que surtout Swan, qui est le compositeur principal et quasiment unique, il a des idées tous les jours, quoi. Tous les jours, il nous envoie un truc. Enfin, au moins toutes les semaines, on a un nouveau truc. Allez, on bosse là-dessus, etc. C'est foisonnant, quoi, tu vois. Donc après, la difficulté, c'est de réussir à trouver une unité dans ce truc-là. Alors, on est en train de réfléchir. L'unité, c'est peut-être un petit peu les années 80, parce que ça peut être plus ou moins rock, plus ou moins metal, mais il y a toujours quelque chose. C'est quand même toujours. Ouais. Voilà, c'est ça. Concentré autour des années 80, mais avec un son moderne. Assez hard rock, heavy metal. Ouais, de toute façon, on va pas faire un album. Un son un peu plus moderne, quoi, que les années 80. Mais on fera pas un album de pop, on fera pas un album de. On fera pas un album de metal, même si on est avec Frankie. Mm-hmm. On fera vraiment un truc qui essaye de ressembler. Je sais qu'il y a quelques années, vous avez lorgné vers des sonorités plus extrêmes également. Même si ça n'a jamais été sorti. Ouais, c'est pas sorti. Bravo, t'es au courant, ouais. On l'a jamais sorti, ouais. Tout court, mais on l'a pas sorti en effet. Est-ce que vous arriveriez à les jouer? C'est peut-être déjà ça, mais on va. Ça va ressembler. À chaque fois que tu fais un nouveau truc, tu penses que c'est 100 fois mieux que ce que tu as fait avant. Tu sais, c'est comme Pantera. Pantera, au tout début, c'était complètement différent. Ah bah, bien sûr, c'était après, quoi. Il y a plein de groupes comme ça dont le premier album est un peu obscur, un peu culte pour certains et méconnu complètement du grand public. Après, le côté glam, vous l'avez quand même assez rapidement eu, presque avec License to Thrill. Ouais, dès le début. Ça s'est fait rapidement parce que c'est simple, en fait. On est parti au Japon après notre premier album qui était une sorte de démo. On voulait peut-être un peu plus heavy metal. Ouais, mais en fait c'était pas. Alors là, on voyait bien que ça correspondait pas à ce que on avait envie de faire parce que ça allait pas avec notre façon d'être sur scène. Ouais. Tu vois, nous on voulait quand même des refrains que les gens tapent dans les mains, t'as bien vu ce qu'on fait, enfin voilà. Il y a un côté plus festif quoi que le heavy metal. Et on est parti, on a fait un mois au Japon où on essayait de faire taper les gens dans les mains, mais eux ils voyaient un groupe de heavy metal, il y a un peu une dissociation cognitive, et on découvre en fait que dans un bar qui s'appelait le Current à Tokyo, on allait tous les soirs en fait, et où il y a un mec qui était un passionné de musique, il avait une discographie gigantesque, et il nous fait découvrir Crash Diet, Hardcore Superstar, je crois que c'était Hit, c'était encore sorti. On avait découvert Sister, on avait découvert des trucs, et on se dit putain les gars, Reckless Love, non parce que c'était bien après encore. Ah c'était bien après. Ah ouais parce que Reckless Love c'était après, c'était le deuxième chanteur de Donc en fait, on a découvert qu'il y avait une scène qui se créait en Suède notamment, qui était dans l'esprit des années 80 et qui était dans l'esprit des chansons que nous on écoutait pour faire la fête. Tu vois, on écoutait Wasp, on écoutait les Guns, on buvait là-dessus, on était avec nos potes, tout ça. Et en fait, on faisait pas la musique qu'on écoutait et qui nous correspondait. Mais on pensait que c'était fini en fait. Tu vois, le côté années 80. On pensait que ça intéresserait plus personne. En fait, c'est faux parce qu'il y a une scène qui s'est montée comme ça, des groupes. Tu vois, ça n'a jamais été un truc gigantesque, mais ça a perduré. Au niveau du cinéma et au niveau des séries, regarde Stranger Things dans les années 2010. En fait, ce truc, il y a eu un revival. La Retro Wave est encore un autre mouvement musical. Ouais, ça attire toujours. Moi, personnellement, j'ai l'impression d'être jamais sorti des années 80. J'ai l'impression de vivre encore dedans, tu vois. Non, vraiment, moi, on n'était pas ados dans les années 80. Ouais, mais tout ce qui sort. Tout ce qui sort, 80-90, tout ce qui sort de ça, ça m'intéresse pas en fait. Donc en fait, je regarde pas. Et en fait, dans ma vie, moi j'ai l'impression d'y être encore, tu vois. Limite dans les voitures même, encore, j'avais encore des voitures des années 80. Il y a pas si longtemps. T'avais la DeLorean, tu vois, je crois. Et une dernière question pour ce soir. Black Rain, est-ce que vous pensez que Black Rain en 2024 est beaucoup moins connoté un télécrochet que vous avez pu faire dizaine d'années. Maintenant, 2024, on va dire que les gens sont passés à autre chose. Et lorsqu'ils pensent à Black Rain, ils ne pensent plus du tout à ça, mais ils pensent à un groupe de hard rock, heavy metal, glam, on pourrait dire, dans la veine de Eclipse, dans la veine de tout ce genre de choses. Ouais, parce qu'on est dans ce circuit. Alors le truc, c'est qu'avant l'émission de télé, on existait déjà, parce que c'est eux qui sont allés nous chercher, parce qu'ils ont vu nos clips et qu'ils se sont dit, c'est intéressant pour notre émission, tu vois. Alors on va pas cracher dans la soupe, parce que ça nous a donné une exposition qui, à un moment, a permis à des gens de nous découvrir, arriver sur scène. Alors, évidemment, sur le moment, et on connaît le public metal, parce qu'on en fait partie. Tu vois, donc on sait très bien que le côté commercial, télé, machin, ça fait chier. Un gatekeeper, t'acceptes pas. Ça fait chier. Mais en fait, moi-même, j'aurais vu ça à la télé, j'aurais craché dessus. Donc, c'est honnête, hein. Je vais pas dire le contraire, mais en même temps, après le truc, le pari, il y avait un double pari. C'était déjà de le faire à la télé sans se renier. Et on l'a fait parce qu'ils voulaient qu'on fasse quand ils nous ont appelé, ils voulaient qu'on fasse une reprise des Guns N' Roses. On leur a dit, OK, les gars, on va le faire. Et on l'a pas fait. Non, on l'a pas fait. On l'a fait pour être sélectionné. Voilà, c'est ça. Et après, on l'a pas fait. Ouais, mais quand c'est passé à la télé, on l'a pas fait. Mais par rapport à ta question, non, le public rappelle pas trop ça. Par contre, c'est vrai que dans les interviews, ça ressort souvent. Ouais, ça ressort, mais c'est pas négatif. C'est normal. Ah non, carrément pas, parce que c'est une super période. Ouais. C'est une super période. Et ce qui était d'autant plus marrant et qu'on raconte assez régulièrement, c'est qu'on est arrivé 6e. L'année d'après, ils nous ont rappelé pour faire un featuring. Ouais. Ils nous disaient, alors ça fait quoi d'être arrivé 4e? Ça même plus. Ouais, ça même plus. De toute façon, on est arrivé premier en fait. Après, tu peux dire ce que tu veux. Mais il y a un truc aussi, alors qui est assez marrant. Je crois que personne n'aura peut-être remarqué, mais ça m'a même apporté un truc génial, c'est que on a fait la finale de cette émission Incroyable Talent, et à la finale, on a joué Nobody But You, qu'on vient de ressortir sur le CD Hot Rod Machine. Et on a fait un clip. Et si tu regardes bien le clip, en fait, c'est que j'ai repris la scénographie qu'ils avaient fait, c'est moi qui l'ai réalisé. J'ai repris la scénographie qu'ils avaient fait à la télé parce que j'avais trouvé ça génial. C'était à Noël, ils avaient mis de la neige. Il y avait un arbre un peu inquiétant. Alors on l'a fait avec un peu moins, mais un peu moins de couleurs parce que c'était un peu coloré. On l'a refait un peu plus sombre. Mais en fait, j'ai repris exactement la scénographie qu'on avait fait à l'époque quand on est passé à Incroyable Talent. Mais c'était un. Ouais, c'est un super clip en tout cas. Bah merci, j'en suis super. C'est bien mieux que ce qui aurait dû sortir à l'époque, parce qu'on avait tourné quelque chose qui n'a jamais été sorti. Le pire, c'est qu'on l'a fait. Et heureusement que ça n'est pas sorti. Putain. Oh là là. On laisse le mystère intact. Ouais, lui, si je le sors, ça serait assez. Ouais, mais je l'ai encore, mais en fait, quand on le regardait, on avait l'impression de dire ça peut passer dans les 10 plus mauvais clips de l'histoire du rock, tu vois. Voilà, t'as ton dossier. Ok, bah en tout cas, merci les gars. Et puis on se rejoint du côté de l'Iliade. Ouais. Rappelle-moi la date. Le 27 septembre, à l'Iliade, à Grenoble, enfin juste à côté de Grenoble, quoi. Merci. Merci à toi aussi. Encore une fois, merci au Black Rain pour l'interview réalisée sur le Plein Air Fest. Et ce sera l'occasion de passer un extrait de leur album Hot Rock Time Machine avec Overloaded. mighty fix. 7, 8, really can't wait. 9, 10, this dance will never end. Et pour l'occasion, on repassera également une version 2011 de ce même morceau, extrait de cet album Lethal Dose of, par toujours le groupe Black Rain. Bye. On notera tout de même une significative différence entre les deux versions de ce morceau Overloaded, paru originellement sur l'album Lethal Dose Of en 2011 et enregistré sur ce Hot Rock Time Machine. On va passer maintenant dans Overdrive à quelque chose de beaucoup plus hardcore avec Loco Muerte qui nous a sorti cet album Parano Booster avec une pochette d'inspiration Las Vegas. Parano, ils se disent d'influence hardcore, crossover même, des groupes comme Biohazard et autres Suicidal Tendencies ont dû bercer leur enfance. Ils seront du côté du Menesi Metal Fest la semaine prochaine et le 21 septembre du côté de Ambérieu-en-Bugey au Triplette Social Club. Ce sera Loco Muerte, Parano Booster et le morceau titre tout de suite dans Overdrive. El que hace una bestia de sí mismo se deshace del dolor de ser humano. Para now. Yes, vous venez d'entendre. Vous venez d'entendre le groupe Bless Her Evil avec cet album We Are Mystery sorti là aussi sur M&O Music. Voilà, on va continuer dans Overdrive avec le groupe Winterson, pardon, qui nous sort cet album plus qu'attendu Time Part 2 sur Nuclear Blast. Donc le groupe. Et plutôt son leader est un peu connu pour, on va dire, un côté un petit peu mégalomaniaque. Néanmoins, pour les amateurs de metal à la finlandaise, il s'agit là aussi d'un groupe culte. Winterson to Silt avec le morceau One with the Shadows. Après Winterson, on va passer au groupe Wolf Art qui nous sort cet album Draconian Darkness sur Raining Fire Music. Vous êtes toujours à l'écoute de Overdrive Radio Dio. Il est maintenant 22h passées de 45 minutes. Voilà, Overdrive, c'est terminé pour ce soir. On se dit à la semaine prochaine, même en même fréquence sur le 895 de Radio Dio, avec encore une fois des interviews réalisées lors du Plein Air Fest ce soir. On remercie encore une fois Black Rain pour le moment partagé et bien entendu toute l'équipe de Mediaton du Plein Air Fest et Ellie Promotion qui ont rendu tout simplement tout ça possible. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. www.facebook.com/overdrive-radio-duo et bien sûr 89.5 FM, www.radioduo.org, 21h30, 22h, 23h, tous les vendredis. Merci, ciao, bye bye. Show me that we're gonna make it through the time.